capsule rock metal avec Dominique No. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode de la capsule rock metal. Mon nom est Dominique No, en direct toujours de la décrépitude de grand-mère. Et aujourd'hui, je veux vous parler du nouvel album, du 16e album du groupe de Chicago, Ministry. Un album qui est paru le 1er mars 2024 et qui s'intitule, tout d'un mot, comme un grand mot allemand, là, Opium for the Masses. Tout d'un mot, mais il faut dire que le mot opium est avec un H au début. Donc, on a un jeu de mots ici entre l'espoir et l'opium qui est un puissant stupéfiant. Donc, c'est un album de Ministry. On tombera pas en bas de notre chaise. C'est exactement ce qu'on pensait. Mais ce que je trouve spécial quand même, c'est que malgré toutes ces années, parce qu'il faut dire que Ministry était formé à Chicago en 1981, après plus de 40 ans d'histoire, ben, c'est un album de Ministry, puis on le reconnaît au son. C'est vraiment spécial. C'est un peu quand que Nocturnus revient ou Possessed, que ça fait des années qu'on n'a pas entendu, puis ça sonne pareil. Ils ont encore gardé leur même son. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment super d'entendre ça. Super catchy, un album très facile d'écouter d'une quarantaine de minutes. Il est super bon avec une pochette vraiment spéciale avec un fond blanc. Donc on voit un homme qui est comme en gris et blanc devant, coupé comme à hauteur de la taille. Là. Et puis le personnage a une main dans le visage en regardant par terre en signe de dépit. Et puis sur sa tête poussent des arbustes et des champignons, toutes sortes de couleurs. Donc le personnage est comme en noir et blanc, mais les champignons qui poussent sur sa tête sont multicolores, toutes sortes de couleurs. Donc, c'est une pochette assez spéciale. Et cet album-là commence avec... est paru, d'abord, je voudrais vous dire que c'est paru sur Nuclear Blast, hein, c'est bien important de le dire. Puis, il faut dire aussi que Ministry, ben, c'est l'histoire d'un homme, un gars qui s'appelle Al Jorgensen. Monsieur Jorgensen, qui était là depuis le tout début, depuis 1981. Puis il faut dire que les deux premiers albums de Ministry, là, on était dans le pop-punk un peu. Là. Puis ce qui se disait au début des années 80 de se dire punk, alors qu'en réalité, c'était comme de la pop. Une espèce de pop bizarre, là, avec des claviers trop cheesy, vraiment. Fait que c'était un peu comme ça, les deux premiers albums de Ministry. Le deuxième était plus crasseux un peu, mais t'avais toujours pas la guitare, là. La guitare vraiment qui gratte, là. On l'avait pas encore dans les deux premiers albums. Il a fallu attendre au troisième album quand est arrivé Monsieur Paul Barker, qui lui était là de 86 à 2003. Donc, quand Monsieur Barker est arrivé avec notre ami Jorgensen, ça a fait le son Ministry. Là, on est tombé avec la guitare abrasive, puis la musique plus rapide et aussi plus démente, là, un peu débile. Là. C'est vraiment extraordinaire. Ce groupe-là, moi, c'est un des rares groupes que j'ai pu triper, à veut dire fin 80, début 90, là, dans l'industriel, parce que nous autres, on était vraiment là, on avait lâché le trash qui était... C'était fini, le trash, on tombait dans le death metal, on tombait dans le grind, on tombait dans d'autres choses, tu sais. Puis ça, c'était vraiment un des rares groupes que je pouvais aimer qui sortait de ce range-là, puis que j'aimais. Donc l'album de Ministry commence avec la première pièce qui s'appelle BDE, ce qui veut dire Big Dick Energy. Yeah! Et puis ça parle de l'assouvissement de la femme... face à l'homme, finalement, le corps de la femme qui est utilisé à des fins pour faire de l'argent, tu sais, ça le dénonce. Dans le fond, Ministry, ça a toujours été ça, c'est une dénonciation, tu sais, c'est une grosse manifestation, c'est ça que c'est, Ministry, ça a toujours été comme ça, tu sais. La deuxième pièce, qui s'appelle Goddamn White Trash, c'est une chanson très catchy, là, c'est du vrai Ministry, 100%. Vraiment bien fait. Puis ça parle d'extrémisme aux États-Unis. Donc ça parle de notre ami Donald Trump, entre autres. Puis M. Jorgensen le disait lui-même. Faut dire qu'à l'époque de l'entrevue que moi j'ai écoutée, il ne savait pas que Donald Trump serait élu président des États-Unis, parce que c'était quand même en mars-avril que c'est paru en mars, l'album. Mais Goddamn White Trash, ça parle d'extrémisme, ça parle de ça. Après ça, on a une toune qui s'appelle Just Stop Oil. Pas besoin de vous dire de quoi ça parle. Ce qui est quand même assez paradoxal avec la chanson Just Stop Oil, c'est qu'on est très loin de la chanson Jesus Built My Hot Rod qui est parue sur Psalm 69 en 1992, où ce que là, on voit des courses de hot rod, puis on voit des gros chars. Puis là, d'un coup, 40 ans plus tard, Just Stop Oil. Ben oui, ben, hein, m'a dire comme mon père disait, il n'y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée. Hein. Fait que c'est une chanson là-dessus, c'est une dénonciation, encore et toujours. La pièce suivante s'appelle Ariane Embarrassment. Et là, ça parle de notre ami Trump, là, et qu'il ne porte pas dans son cœur du tout, M. Jorgensen, il faut dire. Là. Et puis en plus, ce qui est intéressant avec cette chanson-là, qui est une chanson assez mollo, là, avec un riff bien pesant, ça pourrait nous faire penser un peu à South of Heaven de Slayer, là. Puis, accompagné de Jello Biafra. Donc, Jello Biafra au vocal, puis je n'ai pas besoin de vous dire que sa voix unique et spéciale, ça donne tout un rendement à la chanson, puis c'est vraiment intéressant, vraiment une bonne toune. Après ça, on a la chanson TV Song. 1 sur 6 éditions. C'est la chanson la plus rapide de l'album. C'est du vrai Ministry comme qui se faisait dans The Mind is a Terrible Thing to Taste. Là. Genre de chanson très rapide avec des arrêts, des stalls pis tout. C'est vraiment très bon. Ensuite, on a la chanson New Religion. La nouvelle religion, mais c'est pas compliqué. C'est les médias. C'est que ce soit nos téléphones cellulaires ou les nouvelles ou. Juste pour vous donner un exemple, j'ai voulu aller voir un reportage sur Apollo 11 qui sont allés sur la Lune sur YouTube. Ben, il a fallu que je skip à peu près 10 vidéos qui nous disaient que les hommes n'ont pas été sur la Lune. Donc, c'est ça, la New Religion. C'est le fake news, c'est le pas vrai, c'est de faire à croire toutes sortes d'affaires. Puis quand tu sors à cette heure, mais de nos jours, quand tu essaies d'avoir des bonnes sources, surtout quand tu es sur Internet, faut que tu sois très prudent, puis faut que tu fasses très, très attention à tes sources et à ce que tu dis, parce que sinon, la New Religion, ils vont t'en passer une belle, mon gars, tu vas te faire avoir, puis tu vas faire un fou de toi, puis tu vas avoir l'air fou, là. Fait que, après ça, il va avec, c'est la fin de l'album, il y a deux chansons qui s'appellent It's Not Pretty, suivie de la suivante, Cult of Suffering, qui ça sont des chansons un peu plus smooth, puis qui sont avec des back vocals féminins, surtout Cult of Suffering, là. On est quasiment dans le Lulu Hughes, là, si tu veux. Mais moi, ça me dérange pas, moi, ça me va, moi, j'aime bien ça, ce genre de truc-là, puis je suis ouvert à des affaires un peu plus bizarres, j'ai aucun problème avec ça. Puis ça finit avec la pièce Ricky's Hand, qui est une chanson qui pourrait dater des années 80, fin 80, de cette espèce de punk pop un peu bizarre, dansant. Mais c'est quand même bien, parce que, tu sais, oui, faut être plus ouvert à ce genre de trucs-là. Puis Ministry, c'est un groupe industriel aussi. Hein? Fait que, tu sais, ils vont chercher à avoir une tendance un peu qui va s'en aller vers ça, vers le punk, vers le post-punk, vers le pop un peu étrange, de dérangé, là. Puis là, je voudrais vous parler aussi de l'histoire un peu de Ministry, que c'est paru. Ça a été fondé, c'est-à-dire, excusez-moi, en 1981 à Chicago par M. Jorgensen, tu sais. Et puis son premier album est paru en 83 qui s'appelle With Sympathy. Lui, il s'était fait ami avec des gens qui avaient un label qui s'appelait Wax Trax Label, qui est un label indépendant punk. Et c'est à partir de là que Hall a commencé à enregistrer dans leur studio qu'il y avait eux. Parce qu'au début, c'était un studio avant de devenir un label, là. Donc, en 83, Hall sort l'album With Sympathy, qui est un album de punk, de pop-punk, de. Écoute, on est un peu dans ce qu'il faisait Billy Idol, puis des affaires de même, là. Cheesy, c'est pas vraiment intéressant. Moi, c'est pas vraiment mon genre, parce que c'est vraiment pas métal, puis il n'y a pas de guitare vraiment là-dedans. Là. Fait que c'est de l'échantillonnage. Là. Mais faut dire que dans le nouvel album, en parlant d'échantillonnage, c'est quoi d'important qu'il faut que je vous dise, il y a beaucoup de samplers, beaucoup d'échantillonnage dans le nouvel album, mais c'est tellement bien fait, c'est pris dans des nouvelles, c'est pris dans toutes sortes d'endroits, à la radio, We Need Your Help, puis des affaires d'armée. Il y a beaucoup, beaucoup d'échantillonnage, beaucoup de samplers, mais c'est tellement bien fait, puis dans le mix, c'est juste correct. Puis c'est une dénonciation, comme que je dis, là. C'est vraiment intéressant. Donc, après l'album With Sympathy, notre ami Jorgensen est allé terminer son projet de Revolting Cox en 1985. Et puis après ça, il s'est lancé dans les autres albums qui sont devenus finalement les albums les plus cultes qui ont fait que Ministry sont devenus ce qu'ils sont devenus, tu sais. Puis on va parler de l'album Land of Rape and Honey qui là est arrivé monsieur Paul Barker à la base. Donc lui, Paul Barker, était là avec Howl de 86 à 2003. C'est un producteur, c'est un bassiste, un ingénieur de son, tu sais. Puis c'est une relation un peu amour-haine entre ces deux-là. Là, c'est un peu une relation un peu comme... on pourrait dire de Tom Warrior avec Martin Haynes ou Lennon-McCartney. C'est deux qui se complètent très bien par leur côté un peu différent. Là, puis c'est vraiment à partir que de Paul Barker est arrivé puis qu'il a mis le son plus trash, la guitare incisive puis tout ça. C'est ce qui a donné vraiment le coup d'envoi à ce groupe-là, Ministry. Vous savez, Paul Barker jouait dans un groupe qui s'appelait The Blackout, un groupe de Seattle, qui avait sorti en 81 un EP appelé Men in Motion, que là, on est dans l'industriel punk, là, tu sais. Rien de commercial là-dedans, là. C'est du cru pour les purs et durs, là. Fait que, avec cet album-là, Land of Rape and Honey, sorti en 88, là, Ministry peaufine son son. C'est le son. Après ça, en 89, ils sortent un autre album qui s'appelle The Mind is a Terrible Thing to Taste, où jusque-là, on monte encore une coche. Encore une petite coche de plus en 89. Plus rapide, plus incisif, la guitare plus présente, plus trash, plus metal. Et puis là, c'est là que notre ami George Gregson commence à faire de l'héroïne, devenir héroïnomane et à être dans l'élite junkie de Chicago avec des personnages plus loufoques les uns que les autres. Et entre autres, il y avait notre ami Nivek Hogre qui était de Skinny Poppy. Ces deux-là se sont liés d'amitié ensemble. C'était vraiment les chums de brass et de junk. Et on se crinque puis on boit du... Au bout du Jack Daniel, là, c'était vraiment la grosse débauche éternelle. Là, c'était épouvantable à la fin des années 80-90. C'était l'autodestruction, c'est le Ministry, c'était ça. Les spectacles avec des cages, les gars jouent dans une cage, la crowd elle monte ça, sur la cage, ça se garoche, c'est complètement dément. Puis tu sais, c'est ce que je trouve de drôle un peu, c'est que c'est ma génération, tu sais, donc ces jeunes-là qu'on voit grimper puis complètement défoncer, ben, c'est comme ma gang, tu sais. C'est la gang que nous autres, quand on avait 21, 22 ans, en 89, moi j'avais 20 ans, tu sais. Et puis après ça, en 92, c'est là que vraiment Ministry a sorti l'album culte qui s'appelle Psalm 69. Ça, c'était l'album qui a lancé Ministry officiellement. Ils sont devenus big, ils sont devenus des rock stars. Ça les a monté à la tête. Ils sont devenus complètement déments, encore plus fous qu'ils étaient. Un producteur de Warner Brothers disait que c'était un asshole, Al Jorgensen. Pourriture, quelqu'un de pas vivable, pas d'allure, extrémiste dans son sens à lui, tu sais. Et puis, avec l'album Psaume 69, ils sont devenus en tête d'affiche de Lollapalooza. Puis là, ils ont fait vraiment le tour du monde avec le groupe Jesus Lizard qui les supportait, entre autres. Puis il y a un bout de spectacle, parce que j'ai écouté deux spectacles pour ma chronique. J'ai écouté un spectacle de la tournée du Lollapalooza de 92. Puis j'ai écouté un spectacle de cette année au mois de mai 2024. Et puis... Un moment donné pendant un spectacle, un des membres de Jesus Lizard, David Yeo, arrive sur scène complètement nu, à poil, sur scène, pendant le show de Ministry. Il marche tranquillement, il déambule, bien tranquillement, comme si de rien n'était. Il s'installe devant la foule, la graine à l'air. Puis... Là, mon Howl Jorgensen, il arrive à côté, puis il commence à y tapoter un peu le paquet, puis l'autre, il bouge pas, ça... Dans un mur de son, de violence, de noise, de tout ce que tu voudras, qu'il n'y a pas d'allure. Fait que là, mon Jorgensen s'en va chanter son couplet. Puis mon David s'approche de lui, tenu l'air... avec une démarche un peu, tu sais, fendante, là. T'as l'impression que Jorgensen, il te prend par le cou, puis t'as l'embrasse à la bouche. Oh, sacré! Tu sais, moi, j'étais héros, hein. Fait que ça fesses dans le dash, mais c'est ça Ministry, c'est exagéré, c'est cette période-là qui était de 89, 92, même les années 90, parce que tout ce qui monte finit par redescendre, fait qu'après ça, ben là, avec un Jorgensen qui est héroïnomane, puis qu'il est flyé pas mal, puis il a topé le sommet, il commence à redescendre, puis finalement, ben, en 1999, un de ses guitaristes, qui s'appelle, je l'ai noté ici... William Tucker, le guitariste, se suicide en 1999. Et c'est là que M. Jorgensen se rend compte de sa vulnérabilité. Il se rend compte qu'il n'est pas immortel. Parce que dans leur tête, eux autres, il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. On était indestructibles, on était immortels, on peut faire tout ce qu'on veut. C'était un peu la mentalité de Jim Morrison, tu sais. Je suis le lézard roi, je peux faire n'importe quoi. Avec la bouteille de Jack Daniels sur le stage, puis. Moi, j'ai vu le spectacle que j'ai vu de la tournée 92, là, ça s'appelle. Colin, j'ai oublié de le noter, là. Mais c'est en noir et blanc, là, si vous pouvez aller voir ça sur YouTube, là. C'est vraiment. C'est capoté, c'est une méchante gang de capoté. Puis il faut dire que tous les membres qui ont passé par ce groupe-là aussi. C'est incroyable, là, parce que là, présentement, dans Ministry, on a Hall au chant, mais qui joue aussi de la guitare, qui joue aussi de la bass, qui est compositeur. On a John Bechdel au clavier, qui lui était claviériste dans Prong. On a Sin Quirin, guitare et bass, encore une autre session qui est là. Cesar Soto, qui a joué dans Prong, lui-ci, guitariste. On a Paul Damour, qui a joué bassman dans Tool. On a Derek Abrams au drum qui a joué dans Soulfly. Il s'est pas entouré de pieds de céleri, là, notre Hall, pour son dernier album. Puis ça paraît parce que c'est solide, c'est droit, puis tellement des bons riffs, puis c'est tellement catchy que c'est vraiment accessible pour pas mal n'importe qui, même si t'es pas un métalleux, puis tout, ça se pourrait bien gros que tu tripes là-dessus. Là. Tu sais, M. Jorgensen, il parlait que ça pourrait l'être le dernier album. Ben, pas l'impression que ça va être le dernier album, parce que d'après ce que j'ai entendu, mon ami Guillaume m'a parlé de rumeurs comme de quoi que notre ami Paul Barker, qui est parti en 2003, voudrait revenir pour faire un dernier album et avec Hall et fermer ça, là, tu sais. Faire la conclusion du Ben Ministry. Donc, est-ce que ça va arriver? On sait pas. Ils ont parlé de dernier album, mais faudrait en douter. Faut dire qu'en 99 aussi, c'est monsieur a arrêté la junk là, quand que son ami William Tucker est décédé. C'est là qu'il a sorti aussi l'album The Dark Side of the Spoon, faisant référence bien sûr à Dark Side of the Moon de Pink Floyd, mais en servant du mot spoon, cuillère, qui on le sait que les héroïnomans utilisent des cuillères pour se faire le junk puis se crinquer. Là, t'sais. Fait que c'est un miracle parce que, écoutez, là, Al Jungerson, là, il a 65 ans. Puis c'est un miracle qu'il soit encore vivant. Puis en plus, il est en shape. Là. J'ai vu des interviews, ce qui est là. Puis le gars a toute sa tête, puis il parle. Puis c'est encore le même bonhomme. T'sais, il a pas vraiment changé. Il est encore de la gauche. Puis c'est une manifestation, comme que je dis. Ministry, il compte tout. Il parle de guerre nucléaire. C'est drôle. Il dit, les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des hommes qui sont là pour l'argent. C'est des gars qui veulent faire l'argent. Fait qu'il dit, moi, il dit, je crois pas à ça, la guerre nucléaire, parce qu'il dit, la guerre nucléaire, c'est pas payant. Ces gars-là, ils sont là pour faire de l'argent, puis une guerre nucléaire, ça donne pas d'argent pour eux autres, c'est pas payant. Fait que c'est pour lui, il doute que ça pourrait arriver, là. Mais en tout cas, ça, c'est son opinion à lui, là. Donc, moi, je vous le conseille fortement d'aller écouter le dernier album de Ministry, Opium for the Masses. C'est un excellent album de Ministry. Ça réinvente rien, mais c'est vraiment bon, c'est bien produit. Des bons échantillonnages. Le monsieur est toujours crédible. C'est vraiment extraordinaire. J'ai pas eu la chance encore de me le procurer, mais je vais me le procurer, c'est sûr. Puis ça va faire partie vraiment de mes albums de 2024. Ça, c'est absolument sûr. Et là-dessus, pour terminer, je voudrais vous dire ding-a-ding-dang, my dang-a-dong-ling-long. Tcho. Bye.